Il y avait dans un jardin une petite fleur de rien. Il se dit un beau jour, si j'allais faire un tour, ici je n'ai rien à faire, il y a rien pour me distraire. Elle a fait son bagage pour partir en voyage. Elle quitta son jardin, elle respirait enfin. Et portée par le vent, elle marchait en souriant. Elle découvrait le monde, s'étonnait chaque seconde. Heureuse et insouciante, elle se sentait vivante. Elle a beaucoup marché par les bois, les forêts, découvert tant de fleurs, des grandes, des petites sœurs, rencontré de grands arbres, des forts et des malades, et de drôles d'animaux, et tout un tas d'oiseaux. Entra dans la ville, heureuse et pas tranquille. Les bruits et les ordures, les klaxons des voitures, pas un brin de verdure, plus rien ne la rassure. Et même le soleil boudait la citadelle. Elle revit son jardin, en eut bien du chagrin. Au milieu du vacarme, elle versa une larme. Au pied du grand gratte-ciel, elle pria tout le ciel de quitter ce monde cruel et de rentrer chez elle. Il y avait dans un jardin une petite fleur de rien qui n'avait rien à faire et rien pour se distraire. Mais elle se sentait bien au milieu des parfums. Jamais elle ne repartira loin de son petit chez soi, soin de soin.